Ouais, Johan, c'est bien Michel. Ouais, c'est le truc tout con sur le strat. Faut le savoir, le manche, il est pas plat. Il est légèrement bombé. Donc, si tu les mets trop basses, si ton mi aigu, tu le mets trop bas, quand tu vas tirer un bend, si tu remontes, si tu peux tirer fort, justement, avec un petit tirant, moi, avec le tirant de 8, j'arrive à prendre deux cases, trois cases hein, en tirant dessus. Et tu arrives vers le milieu du manche. Et tu t'apercevras qu'en tirant, la corde va venir toucher. Et donc ça va arrêter le bend. Donc il faut les monter. Sur le Gibson, il n'y a pas le problème. C'est plat. Et en plus, l'histoire du tirant des cordes va pas se focaliser là-dessus. Les jazzos, ils mettent des tirants forts parce que bon, ils font pas de bend. Ils font très peu d'arpeggio pour certains. Donc ils sac pas, ils ont des médiators, c'est du caoutchouc. Donc ils essayent d'avoir un son doux. Donc, les cordes étant dures, ils essayent d'avoir le plus bas possible et les cordes vibrent pas beaucoup parce qu'elles sont énormes. Mais avec des petites cordes, et puis si tu sacs, moi je joue avec un gros médiator, donc si tu sacs, tu fais des arpégios, bon bah le son il sort. Si t'es trop bas, ça va friser quoi. Et je te dis, pense, hein, moi je compare toujours ça au Gibson parce que je fais des réglages guitare pour des mecs dans le coin. Hein. Le diapason du Gibson est plus court. Donc pour le même tirant, le gars il va te dire, ouais, moi j'ai un 9,42 aussi, elle est pas aussi dure. La Strat elle sera plus dure, c'est parce que le diapason est plus grand, le manche est plus long. Donc pour avoir le même accordage, t'es obligé de tendre les cordes plus fort. Donc c'est pour ça que c'est plus dur. Donc un 9,42 sur une Gibson, c'est comme un ultralight, un 8,42 sur la Strat, quoi. Bah là, j'entends rien, je sais pas ce que t'as fait. Coche transmit. C'est pas mal, ça sort. Normalement, tu dois pouvoir mettre du vibrato. T'entends? Moi, j'arrive à mettre du vibrato dessus. Toi, tu peux pas parce que tes cordes, elles sont trop dures. Quand t'auras mis du 8, t'arriveras à faire ce que je fais. Parce que les cordes, elles vont te paraître un peu plus molles, un peu plus chewing-gum. Et en plus, Malcim lui a accordé un mi bémol. Donc, c'est du véritable chewing-gum, la corde. Et c'est pour ça qu'il se permet de faire des gros bends et puis de faire du vibrato en faisant le bend. Voilà, ça c'est bien. Ça c'est bien ce que j'ai entendu. Donc là, ça frise pas. Donc elle est bien réglée. Donc t'as pas besoin de descendre plus bas. Elle est très bien. Quand t'auras changé les cordes, tu vas pas la reconnaître, ta Strat. Et en plus, les Sinki, bon, c'est des métals plated, elles ont un peu de nickel. Mais si tu prends les cordes à Malsim, c'est de l'acier, c'est du steel. Et juste plaqué nickel pour éviter la corrosion. Mais c'est juste une petite couche de nickel et c'est vraiment très acier. Et le son de l'acier, ça fait le son crunch, un peu croustillant. Moi, j'aime bien. Ouais, les Slinky, là, le Ernie Ball, ouais, c'est du nickel. Mais tu verras quand tu auras des cordes d'acier, juste platé de nickel, juste plaqué nickel pour la corrosion, c'est pas le même son. Moi, les Slinky, je les connais, je les ai joués longtemps. Et d'ailleurs, je les prends quand je pète une corde, je mets du Slinky parce que j'ai ça sous la main. Mais c'est pas le même son. Alors que comme la corde en tirant 0,008, elle est très fine, bon, ça arrive de casser, hein, soit sur l'axe vibrato ou alors en sacant, en faisant un gros bend à la 21e case, paf, tu veux choper le mi, tu pètes la corde. Ça arrive assez fréquemment. Donc moi, je prends toujours des cordes de 8 d'avance. Mais l'adresse que je t'ai donnée à King Cord, ils sont surprenants. Hein, parce que je commandais sur un autre site avant, et ils étaient longs à livrer. J'ai commandé un dimanche deux jeux Malsteam, parce que c'est eux qui les avaient, les autres ils avaient pas. Je me dis merde, il faut que absolument que je teste les cordes signature Malsteam pour voir vraiment si le tirant, si ça fait toute la différence. Ah putain, ils m'ont livré, j'ai commandé le dimanche, le mardi j'avais, donc ça a mis 48 heures là, le mardi j'avais les cordes, j'ai monté sur la guitare, ah j'étais bluffé. Et donc ça contribue au son, parce que les cordes d'acier ça va chatouiller plus les micros ont meilleure réponse, meilleur sustain, tu vas t'approcher du son comme ça, et plus tu auras le son qui ressemble, plus tu seras à l'aise pour apprendre des morceaux. Sur ce morceau, pour faire sur le final, le mi à l'aigu, puisque t'as que 21 frettes hein, sur la guitare, eh ben il faut que tu bendes hein, pour aller chercher le mi. Et oui, si tu bendes pas, t'as pas le mi. Hein. Parce que là, le 21e fret, c'est un do dièse. Donc, do dièse, monter un demi-ton, ça fait ré. Et là, faut monter un ton, faut monter un ton et demi sur la petite corde de mi. Et si tu essayes de le faire, là, je pense que tu auras du mal avec ton neuf. Moi j'y arrivais parce que je m'étais entraîné et puis je me pétais le petit doigt à faire ça, mais depuis que j'ai la corde en 8, le bend à la 21e case pour aller chercher le mi, et bah tu fais comme Malsim, tu le fais les doigts dans le nez. Thank you.